Frédéric Sigrist, votre blockbuster ce matin, est un 2 en 1, c'est un dessin animé qui a réussi à donner une seconde vie à un jeu vidéo. Oui Mathilde, alors je sais que parler jeux vidéo avec l'équipe du 5-7 le vendredi matin, c'est tendu. Hein, la dernière fois que j'ai parlé console avec Anthony Bélanger, il croyait que c'était un empereur romain. Quant à Clément, tu lui parles de la princesse Zelda, il va te demander si c'est une monarchie parlementaire ou constitutionnelle. Bref, c'est pas gagné, mais je vais tenter quand même. Au commencement, il y avait un jeu censé faire un carton, Cyberpunk 2077. Un jeu de rôle et d'action se déroulant dans une société dystopique et décadente où la technologie est omniprésente. Une sorte de mélange entre Trainspotting et Blade Runner. Oui Mathilde, dans une chronique sur un jeu intitulé Cyberpunk, on est contractuellement obligé de citer au moins une fois Blade Runner, sinon on meurt. C'est donc un jeu résolument adulte. Oui, alors attention, adulte en jeu vidéo, ça veut pas dire que c'est un jeu où on va apprendre à faire de l'optimisation fiscale, comparer le prix des poêles à granules pour améliorer sa facture énergétique ou gérer les conflits de copropriété. Hein. Non, adulte en jeu vidéo, c'est un jeu où on fait un peu de sexe et beaucoup de violence. Le studio CD Projekt, derrière le projet, avait déjà réalisé un autre énorme succès avec la franchise The Witcher. Donc la confiance était de mise, chronique d'un succès annoncé. L'industrie et la presse jeux vidéo ont lancé Cyberpunk 2077 comme CNews a lancé Éric Zemmour. Et pour quelle résultat ? Le même, un bide. Le jeu était rempli de bugs, on aurait dit un compost de zadistes. Le jeu était injouable sur les consoles ancienne génération et vu que la communauté des joueurs de jeux vidéo, dont je fais partie, a la patience d'un enfant hyperactif qui a la vessie pleine, la sévérité d'un moine Shaolin qui a des origines tchétchènes et la diplomatie de Vladimir Poutine quand il est ballonné, le bouche à oreille a été catastrophique. Les développeurs, au bout de leur vie, ont eu beau présenter leurs excuses, apporter des correctifs, retirer le jeu de la vente, même l'améliorer, rien n'y a fait. Cyberpunk 2077 était le premier jeu de science-fiction qui ressemblait à un jeu de zombies tellement il y avait peu de joueurs. Et puis est arrivé le dessin animé de Netflix, Cyberpunk Edgerunners. Oui, un animé réalisé par le studio Trigger, à qui l'on doit des chefs-d'œuvre de l'animation japonaise tels que Kill la Kill, le film Promare, Gurren Lagann. Que des films et séries qu'évidemment personne n'a vu dans ce studio, évidemment. Parce que vous savez pas ce qui est bon pour vous. À ça, pour parler 25 minutes de Piccoli qui mate les fesses de Brigitte Bardot dans un film de Godard, il y a du monde. Bref. Le dessin animé Cyberpunk Edgerunner se passe avant le jeu. Donc c'est un préquel. Oui, c'est pas la peine de faire semblant de vous intéresser, Mathilde. Je sais très bien que vous êtes en train de compter les secondes qui vous séparent du week-end, donc ça va. Bref, Edgerunner raconte l'histoire de David Martinez. Rien à voir avec le syndicaliste. Quoique, un jeune adolescent qui va devoir apprendre à se débrouiller seul suite à la mort de sa mère dans un accident de voiture. Une mort qui aurait pu être évitée si les secours avaient bien voulu la prendre en charge. Mais dans ce futur, sans assurance ou couverture maladie, vous n'êtes rien. Pour survivre, David, malgré les risques pour sa santé mentale et physique, décide de devenir un cyborg et d'intégrer un gang de cyberpunk. Le reste, on le devine, car cyberpunk, c'est un peu scarfé chez les cyborgs. Mais avec sa mise en scène aux amphétamines, que l'on doit au grand Hiroyuki Imaishi, ses couleurs au néon fluo qui donnent à certains plans l'air de fresque de street art, et sa bande-son de qualité, Edgerunner et David Martinez sont l'introduction qu'il nous fallait pour enfin percevoir la richesse de l'univers de CD Projekt. Résultat, les joueurs sont revenus par milliers dans le monde du jeu vidéo cyberpunk, un monde qui a la lucidité de nous dire que les innovations technologiques ne nous libéreront pas, mais bien au contraire seront des fois les outils accélérateurs d'une aliénation toujours plus grande. Dans Cyberpunk, on peut améliorer son corps, pas son statut social. L'homme augmenté, s'il est né pauvre, restera pauvre. Comme quoi, pour lancer correctement un univers, il faut comme en tout temps savoir raconter une bonne histoire et après l'adaptation de Castlevania, Arkane et aujourd'hui Cyberpunk, le jeu vidéo fait peut-être beaucoup mieux que le cinéma, mais il a encore, semble-t-il, beaucoup de choses à apprendre de l'animation.